Chapitre 22e. La chemise du dimanche de M. Brum. Nous n'avons pas encore achevé l'histoire de Mme Brum. Nous l'avons vue, si vous vous en souvenez, quitter l'habitation de Robert Matisse en disant que son mari André avait promis de lui rapporter ce soir-là ses gages. Mme Brum, mauvaise ménagère comme la plupart de ses voisines, l'aurait reçue sans doute dans une cuisine sale, encombrée de seaux, de baquets et de balais. André en avait fait l'expérience, et chevalier déloyal qu'il était, il se laissa séduire par l'enseigne de la belle grappe. Il ne fréquenterait, boire une bouteille et fumer une pipe, disait-il à sa conscience, et elle reviendra bien à temps pour donner à sa femme ce qu'elle voulait. D'ailleurs, une affaire particulière le forçait à quitter de bonne heure le cabaret. Pressé par un paiement, il avait engagé pendant la semaine son habit des dimanches, il fallait le reprendre ce soir-là. Un de ses voisins, la belle grappe, avait mis le sien au même réceptacle. Quoi de plus simple que de lui faire prendre les deux en même temps? C'est ce qui fut fait. Son habit sur le dossier de la chaise, la pipe à la bouche, sa bouteille devant lui, André Brum oubliait le monde entier quand le cabaretier entra vers 10 heures. « André Brum, votre femme est là, qui vous demande. » André n'était pas méchant, mais il éprouvait une antipathie prononcée pour les plaisanteries, et on le raillait volontiers. S'il y avait une chose qui déplut aux ouvriers, c'était que leur femme masse les chercher au cabaret. Madame Brum reçut une verte réprimande, mais comme il commença à se griser, elle en obtint l'argent qu'elle voulait et garda ses reproches pour une autre fois. Elle n'alla pas au Mont-de-Piété retirer ses fers à repasser. Elle acheta un morceau de viande, diverses autres provisions et revint à Honeyfair. Robert Matisse fermait sa porte pour la nuit lorsqu'elle passa. « Brum est-il rentré ?» lui demanda-t-il. « Non, les brognes, il est attablé à la belle grappe, il se met joliment dedans. » J'ai été lui demander de l'argent. « Et avez-vous repris vos fers ?» demanda Charlotte. « Non, ni rien d'autre. Il y a presque la moitié de la cuisine en gage, et c'est lui qui en souffrira. Il a bien été reprendre son habit, mais il ne le mettra pas. Il ne peut pas le mettre sans une chemise et un col propre. Qu'il aille les chercher. Qu'il attende seulement jusqu'à demain, Monsieur André Brum. « Comment ? Son habit était au Mont-de-Piété ?» s'écria Charlotte. « Oui. » « Lui qui se met en rage quand j'engage une chose ou deux. Il est allé engager son habit pour 5 francs. Adam Robinson est allé le lui chercher ce soir. »« Adam Robinson ?» répéta involontairement Charlotte. « Le sien y était bien. » Brum lui a donné son billet pour reprendre les deux en même temps. « C'est la fille à Smith qui vient de me le dire. »« Adam Robinson est-il encore à la belle grappe ?»« Certainement. Côte à côte avec Brum. Une fameuse paire d'ivrognes, allez. » « Suivez mon conseil, Charlotte. N'ayez rien à faire avec Robinson. Une femme ferait bien mieux de monter sur le toit de sa maison et de se jeter en bas la tête la première que d'épouser un buveur. » Charlotte se sentit froissée de l'allusion et surtout peinée d'entendre son nom associé à celui de Robinson. Il était vrai qu'un attachement existait entre Adam et elle, mais elle eût voulu que les voisins ne s'en doutassent pas. Elle cherchait d'ailleurs depuis quelque temps à oublier Adam, qui commença à fréquenter le cabaret. Madame Brum rentra chez elle. Son mari ne tarda pas à la suivre. Madame Brum lui reprocha le peu qu'il avait bu, et une violente dispute s'ensuivit. Le matin suivant, ils se levèrent paisiblement. André était brave au fond, et sans ce maudit cabaret de la belle grappe, il aurait pu servir de modèle aux 3/4 de ses confrères. Il aimait être bien mis le dimanche et aller à l'église avec ses 2 enfants. Madame Brum, comme presque toutes les ménagères de Honeyfair, resta à la maison pour faire le dîner. André lui rendait 1000 petits services le dimanche matin. Il nettoyait les souliers, brossait les habits, remplissait la charbonnière et allait chercher l'eau. Ceci fait, il s'assit à déjeuner ainsi que les 2 enfants, le malheureux John, un peu moins noir que la veille. « Allons, John, » dit Brum quand le repas fut achevé, « va te préparer. Il va sonner 10 heures, et toi aussi, Pauline. » « Il fait trop froid ce matin pour Pauline, » objecta Madame Brum. « Pas du tout, la promenade lui fera du bien et lui donnera de l'appétit. »« Que fais-tu pour le dîner, belle ?»« Je te l'ai déjà demandé, mais tu ne m'as pas répondu. »« Ce n'est pas grâce à toi qu'il y a quelque chose, » répliqua Madame Brum qui portait l'aristocratique nom d'Arabelle. « Va te planter à la belle grappe et va t'en voir si je vais te demander encore de l'argent. Je mourrai plutôt de faim le dimanche. » « Je ne puis pas comprendre ce que tu fais de ton argent, » fit André. « Tu n'avais pas l'habitude de me faire ces sautés quand je m'arrêtais une demi-heure le samedi soir, mes gages dans ma poche. Qu'est-ce que tu fais donc des tiens ? Je les emploie à des choses nécessaires, répondit brièvement Madame Brum, qui, pour des raisons à elle bien connues, ne tenait pas à rentrer dans les détails, et qui continua. J'ai acheté une épaule de mouton que je ferai cuire chez le boulanger, et je prépare un pudding et des pommes de terre pilées. Voilà qui est excellent, dit André en se frottant les mains. John, va te brosser les cheveux, ils sont raides comme des soies de cochon. J'ai dû acheter un paquet de soude pour faire partir la couleur, et ça les fait tenir tout droit. André sortit pour aller se faire raser chez le barbier de Hennefer, qui le dimanche matin faisait de bonnes affaires. Quand il rentra, il monta se laver et ouvrit ensuite une armoire où il trouvait d'habitude sa chemise propre. Malgré tous ses défauts, Madame Brum était soigneuse. La chemise n'était pas là. « Belle, où est ma chemise propre ? » cria-t-il du haut de l'escalier. Madame Brum s'attendait à cette question et la reçut avec satisfaction. Elle cligna de l'œil et fit une pirouette d'extase au grand plaisir des enfants qui étaient dans le secret. « Ta chemise propre ? » répéta-t-elle, comme si elle ne comprenait pas. « Ma chemise du dimanche n'est pas ici. »« Tu n'as pas de chemise du dimanche, aujourd'hui. » André Brum descendit l'escalier, tout consterné. « Pas de chemise du dimanche, » répéta-t-il. « Ni chemise, ni col, ni mouchoir, » affirma tranquillement Madame Brum. « Ils ne sont pas repassés, ils sont tout humides et pliés dans un vieux chiffon. John et Pauline n'ont rien non plus à se mettre. » Brum ouvrait démesurément les yeux. « Comment ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Les fers sont engagés. » répondit brusquement Madame Brum. « Tu n'es pas rentrée pour me donner de l'argent, par conséquent, je n'ai pas pu les retirer. » Seconde bataille à coups de langue. André protestait qu'elle n'avait eu le droit de mettre ses fers en gage. Elle répondait impudemment qu'elle y mettrait la maison entière si cela lui plaisait. Je pourrais vous raconter 1000 épisodes pareils de la vie domestique des habitants de Hennefer.